Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je parle à quelqu'un, ça fait plus de 5 ans que tu attends une nomination. J'aimerais te dire que le temps de ta nomination a sonné. Tu dois te réveiller maintenant et posséder ta nomination. Prends un temps de jeûne, 3 jours de jeûne, parce que le Seigneur a déjà signé et tu vas voir de grandes choses. Tes ennemis, ceux qui combattaient ta nomination vont tomber parce que Dieu va renverser la situation. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous allons prier, nous sommes à OSP, opération sur la brèche. Nous allons prier selon le psaume 21. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSP. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSP. OSP. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSP. Nous allons lire le psaume du jour, c'est le psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous à partir de ce psaume. Voici la première vérité. Rendons grâce à Dieu pour l'exaucement de nos prières. Oui, quand Dieu t'exauce, tu dois revenir à lui pour lui dire merci. Ne sois pas ingrat. Ce psaume qui fait partie des psaumes royaux est une suite logique du précédent. Dans le psaume 20, nous avons vu que le roi a adressé à Dieu des prières lui demandant la protection et le secours dans la détresse. Dans ce psaume 21, il manifeste sa reconnaissance à Dieu pour l'exaucement de ses prières. Il énumère certains faits qui démontrent l'évidence de l'exaucement de ses prières. Il dit, au verset 1, « Le roi se réjouit de ta protection puissante. » Ça veut dire que Dieu l'a protégé. De même, toi, tu fais des voyages, tu prends des avions, tu changes de ville, tu changes de voiture. Quand tu reviens, sois reconnaissant pour dire, « Seigneur, je me réjouis de ce que tu m'as protégé. » David a expérimenté cette protection dans les combats en revenant victorieux sur ses ennemis. Chaque fois que Dieu nous protège, nous devons lui exprimer notre reconnaissance. Le roi manifeste sa reconnaissance à Dieu car il lui a donné ce que son cœur désirait. Il a demandé à Dieu des bénédictions de sa grâce. La couronne d'or pur, qui est symbole de la gloire, et la longévité. Nous devons reconnaître avec David que Dieu exauce les désirs de nos cœurs. Pourvu que ceux-ci soit conforme à sa volonté. Ayons donc la liberté de nous approcher de lui dans la prière pour lui demander ce que notre cœur désire. Ça peut être le mariage, l'enfantement, l'embauche, la nomination à un poste supérieur, l'argent, les biens matériels tels que la voiture, un terrain, une maison, la réussite dans nos études, etc. Donc, Dieu exauce les désirs de nos cœurs. Il n'a pas refusé. C'est pourquoi tu peux lui exprimer tes désirs sans avoir peur. Deuxième vérité, Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir. Quand Dieu t'a donné une maison ou des maisons, sache que tu dois être une source de bénédiction. Ça commence par ta famille, ta propre femme. Ce n'est pas normal, tu es béni, tu es bien habillé, mais quand on regarde ta femme, on dirait une villageoise. Ce n'est pas normal. Ta bénédiction doit couler sur ta femme, doit couler sur tes enfants, doit couler aussi sur ton pasteur. Je demande à quelqu'un, tu n'es pas gêné, tu es une personnalité, tu as un compte bancaire qui est bien garni. Mais quand tu vas voir, tu vas visiter ton pasteur, tu vois que ces fauteuils ne sont pas conformes. Tu peux changer cela. N'attends pas qu'on te demande, on te demande. Tu vois que ton pasteur a une voiture qui le fatigue, une voiture, je ne sais pas, qui a fait plus de 10 ans. Et que tu as les moyens, tu en as 2, 3, tu peux offrir cela. Dieu nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction pour les autres, pour son œuvre. Après avoir dit dans ce psaume, sa gloire est grande, tu places sur lui l'éclat et la magnificence. David dit au verset 7, tu les rends à jamais un objet de bénédiction. La version, la Bible du Semer dit, tu fais de lui la source des bénédictions éternelles. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas dit tu seras un lac. Vous voyez, les lacs, hein, les eaux du lac stagnent. Mais la source là, si c'est une rivière, ça doit couler. Nous devenons des sources de bénédiction sur les plans spirituels, social, matériel et financier. Lorsque nous partageons l'évangile, par exemple, avec les autres, nous devenons des sources de bénédiction spirituelles. Parce que à travers nous, Dieu sauve les âmes perdues. Nous pouvons également soutenir matériellement, financièrement l'œuvre de Dieu, partager nos biens avec nos membres de famille, nos proches et tous ceux qui sont dans les besoins. Joseph, par exemple, a été une source de bénédiction pour la nation égyptienne en proposant un plan septennal qui a sauvé le peuple égyptien. Mais il a également été une source de bénédiction pour ses frères et sœurs, pour sa famille, en la recueillant en Égypte et en pourvoyant à ses besoins pendant la période de famine. Troisième vérité, confions-nous à l'Éternel et il combattra nos ennemis. Le verset 8 montre la responsabilité du roi. Il se confie à l'Éternel. Cette confiance déclenche la main puissante de Dieu contre ses ennemis. Voici ce que Dieu peut faire de nos ennemis. Il les anéantit dans sa colère et les consume par le feu. Il fait disparaître leur postérité de la terre. Il les rend impuissants lorsqu'ils conçoivent des mauvais desseins. Il leur fait tourner le dos et tire son arc sur eux. Toutes ces choses nous sont révélées dans ce psaume. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont eu confiance en l'Éternel. Ils ont été dans la fournaise ardente à cause de leur refus de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Mais Dieu les a délivrés de la fournaise de telle sorte que le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. La Bible dit dans Daniel 3, 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » La suite nous montre que le roi donna l'ordre selon lequel toute personne qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego soit mise en pièces et sa maison réduite en état d'immondice, selon Daniel 3, 29. Quatrième vérité, Jésus-Christ est notre roi qui régnera à perpétuité et qui anéantira tous ses ennemis. C'est vrai, quand nous lisons ce psaume, nous ne voyons pas nommément le nom Jésus apparaître. Mais nous, ce psaume fait partie des psaumes prophétiques, des psaumes royaux. Il nous révèle de manière prophétique l'œuvre de Christ en tant que roi Messie. Dieu a écouté sa prière en le ressuscitant des morts, en les faisant monter au ciel et en les faisant asseoir à sa droite. Pendant sa seconde venue, il anéantira tous ses ennemis, les jugera et prononcera un jugement contre eux, selon Ézéchiel 38, 10 à 12. Pendant le millénium, il régnera après avoir anéanti les règnes de l'Antichrist et du faux prophète. Il vaincra toutes les nations qui s'opposeront à son règne et établira sur la terre son règne. À la fin des temps, Satan et tous ses ennemis seront jetés dans les temps de feu et de soufre, où ils seront tourmentés éternellement, selon Apocalypse 20, verset 10. C'est pourquoi, ici, il dit au verset 13 du psaume 21, « Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » Gloire au Seigneur. Nous allons le glorifier. Chantons ce cantique. Ils ont dit, je ne peux jamais. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Et bénis le nom du Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à OSB, notre émission de prière matinale. Nous prions selon les Saintes Écritures et aujourd'hui, nous nous inspirons du psaume 21. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Nous encourageons tous ceux qui suivent OSB et qui partagent avec les autres par WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez la possibilité de nous envoyer ou de nous faire parvenir vos témoignages sur OSB, cela nous fera du bien. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Il nous a protégés, il nous a accordé la guérison, il nous a accordé l'élévation, le mariage, l'enfantement, la réussite, etc. Tu te rends compte que Dieu a exaucé ta prière. Dieu lui merci pour l'exaucement de tes prières. Prions le Seigneur. Très excellent Père, quel privilège d'invoquer ton nom ce matin. Quel privilège de te louer et de te glorifier en tant qu'enfant de Dieu. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous te bénissons, nous te magnifions et nous te glorifions. Nous te disons merci au Père éternel pour nos prières exaucées. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu qui a une oreille qui écoute, tu es le Dieu qui a des yeux et qui voit. Nous sommes reconnaissants au Père éternel pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour à notre égard. Nous avons crié à toi pour l'enfantement. Tu nous as écoutés et tu nous as exaucés. Lorsque nous étions dans des défis, dans des difficultés, nous avons crié à toi. Tu as écouté nos cris, tu as étendu ta main et tu nous as délivrés de la fosse de la destruction. Merci Père, merci pour la santé que tu nous as accordée. Merci parce que tu nous as délivrés des liens de la maladie. Merci pour la promotion que tu nous as donnée. Merci pour le mariage. Merci pour le bien-être. Merci parce que chaque jour, tu nous conduis dans le sentier de la justice. Merci Père éternel parce que tu ne permets pas à ce que nos ennemis prennent le dessus sur nous. Que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Que dis-je encore ce matin, Père? Sinon, merci. Sinon, merci parce que tu nous permets d'exercer notre ministère. Tu nous permets de témoigner partout où nous nous rendons que ton Fils Jésus-Christ, il est Seigneur. C'est en son nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu fasse de nous des sources de bénédictions pour nos familles, pour nos églises, pour nos nations, sur les plans spirituels, matériels, financiers et sociaux. Prie pour que tu sois une source de bénédictions comme ce fut le cas de Joseph. Prions le Seigneur. Gloire à toi ce matin, acclamation à toi, élévation à toi, psalmodie à toi, grandeur à toi, puissance, magnificence, parce que tu le mérites ce matin. Merci Père, parce que à travers nous, tu veux bénir notre famille, tu veux bénir notre église, tu veux bénir notre nation, tu veux bénir notre région, tu veux bénir notre village. Que la gloire te revienne parce que tu as dit dans ta parole. Que ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Nous sommes là, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu l'as fait pour tous ceux qui te suivent. Nous te prions ce matin, tous tes enfants qui nous suivent, fais d'eux, notre Dieu, notre Père, des sources de bénédiction sur le plan spirituel, à travers leurs prières, à travers leurs prédications, à travers tout ce qu'ils font sur le plan spirituel, que tous ceux qui les environnent soient bénis, soient élevés, soient délivrés sur le plan matériel, à travers la vie de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui est bloqué soit débloqué, ce qui est lié soit délié, que sur le plan financier, notre Dieu, notre Père, que tes enfants que nous sommes, nous soyons en mesure d'aider, de scolariser, de soigner, de permettre aux autres de pouvoir s'épanouir sur le plan social, sur tous les plans. Nous te demandons de nous aider, que ta bénédiction coule en nous, que ta grâce se répande en nous, que ta main se tende sur nos vies, afin de bénir les autres. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons proclamer la victoire de Christ sur tous nos ennemis et que Dieu anéantisse leurs projets contre nous. Oui, il est celui qui renverse les desseins de nos ennemis. Tu vas prier le Seigneur, tu vas invoquer pour que tous leurs projets soient renversés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, ce matin encore, nous voulons nous réjouir en toi, comme le psalmiste pouvait le dire, Éternel, le roi se réjouit de ta force. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu vas encore nous donner ce que notre cœur désire et tu ne vas pas nous refuser toutes nos prières. Et par conséquent, nous prions pour que tu nous gardes, tu nous protèges et que tu renverses les projets de l'ennemi et que tu renverses les projets des satanistes, que tu renverses les projets des sorciers, des mystiques qui nous appellent de nous marier au nom de Jésus-Christ. Baisse, renverse le projet des méchants qui nous empêchent d'évoluer, de progresser, d'être élevés dans la société, d'être bénis dans toutes nos activités au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous crions à toi parce que tu renverses dans le nom de Jésus les projets des ennemis qui nous empêchent, oh Dieu, d'avoir notre visa, d'être des pères et des mères, d'enfanter tous ces projets méchants derrière ces défis sont brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous relâchons tes enfants comme des enfants libres, guéris, entrant dans leur destinée prophétique. Merci Père, parce que quelqu'un est délivré, guéri, car Jésus-Christ qui guérit est là. Visite cette sœur, visite ce frère. Merci pour ces portes que tu ouvres. Merci Saint-Esprit de Dieu pour le baptême de feu que tu accordes à quelqu'un afin que son ministère soit une source de bénédiction. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.